Il écouta cette petite voix lointaine, tremblante, et tout de suite il sut qu'il ne pourrait pas lui répondre. Ce serait stérile, infiniment, pour tous les deux, de s'affronter. « Madame, je vous en prie, calmez-vous. Il est si fréquent dans notre métier d'attendre longtemps des nouvelles. » Il était parvenu à cette frontière où se pose non le problème d'une petite détresse particulière, mais celui-là même de l'action. En face de Rivière se dressait, non la femme de Fabien, mais un autre sens de la vie. Rivière ne pouvait qu'écouter, que plaindre cette petite voix, ce chant tellement triste, mais ennemi, car ni l'action, ni le bonheur individuel n'admettent le partage. Ils sont en conflit. Cette femme parlait, elle aussi, au nom d'un monde absolu et de ses devoirs et de ses droits, celui d'une clarté de lampe sur la table du soir, d'une chair qui réclamait sa chair, d'une patrie d'espoir, de tendresse, de souvenir. Elle exigeait son bien, et elle avait raison. Et lui aussi, Rivière, avait raison. Mais il ne pouvait rien opposer à la vérité de cette femme. Il découvrait sa propre vérité, à la lumière d'une humble lampe domestique, inexprimable et inhumaine.